ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la poésie de Sylvia Plath, entre rage et détresse. Sylvia est une icône, un peu comme Frida Kahlo au Mexique, pour la peinture. Et il y a confusion entre l'œuvre et, malheureusement, la biographie. Ted et Sylvia ont fasciné, et fascinent encore, pas en France, certes, mais fascinent encore les gens, les jeunes. Valérie Rousseau, traductrice de Sylvia Plath et Ted Hughes, autrice d'un livre consacré à Sylvia Plath et elle-même poétesse à l'émission de France Culture « Ça rime à quoi » en 2017. Pas facile de dissocier la vie et l'œuvre de Sylvia Plath, l'une et l'autre ayant contribué à la construction du mythe autour de la célèbre poétesse américaine morte prématurément à l'âge de 30 ans. Je me suis vraiment cantonnée au roman de Sylvia Plath qui raconte sa jeunesse à elle. Et parce que je trouvais que c'était très intéressant parce qu'elle a écrit ça juste avant de mourir et elle considérait ça comme de la sous-littérature, alors qu'en fait, c'était un livre qui était précurseur de tout un courant d'autofiction qui a eu beaucoup de résonance dans la littérature contemporaine, particulièrement chez les femmes. Le personnage qu'elle décrit, qui est très proche d'elle-même, évidemment, mais c'est une autofiction, donc en fait, elle est romancée. Mais ce personnage-là est une fille brillantissime, mais qui ne se sent jamais adéquate nulle part, qui essaie d'être une jeune fille brillante, mondaine, souriante et très dans la société de l'époque, et qui était quand même très contraignante. Et elle essaie d'être ça, elle n'y parvient pas, et elle voudrait écrire, elle n'y parvient pas. Donc elle est toujours à côté d'elle-même, à côté de son centre, et elle ne parvient pas à réussir ni sa vie de femme, ni sa vie d'écrivain. Elle éclate, et donc en fait, elle a un épisode de dépression très grave, d'hospitalisation psychiatrique, électrochoc et tout ça. Et elle passe à travers ça, et... Pour revivre, enfin, revivre, essayer de revivre. Brigitte Henkens à l'émission « Aux arts, etc. » diffusée en janvier 2004, au moment où elle signait la mise en scène de la pièce « La cloche de verre », une adaptation au théâtre de l'unique roman de Sylvia Plath. Pour nous parler de la vie et de l'œuvre de Sylvia Plath, je reçois Frédéric Maget, qui est professeur de lettres, qui s'intéresse particulièrement aux écrits de femmes et qui est aussi président de la maison de Colette. Frédéric Maget est dans nos studios de Paris. Frédéric Maget, bonjour. Bonjour. Alors, quelle place elle occupe, Sylvia Plath, dans la littérature américaine du 20e siècle? Une place cardinale, c'est certain. Elle avait eu elle-même l'ambition d'être la poétesse de l'Amérique et on peut dire qu'elle y est parvenue, même si malheureusement elle n'a pas connu de son vivant cette consécration. Mais je crois que néanmoins il faut prendre les choses avec plus d'ampleur. On ne peut pas limiter l'œuvre de Sylvia Plath simplement au contexte américain. D'abord parce qu'elle a écrit l'essentiel de son œuvre en Angleterre, avec en toile de fond les poèmes quand même de Shakespeare, de Yeats, de Keats qui l'ont beaucoup inspirée, et surtout la figure très importante qu'on retrouve régulièrement dans son journal, de Virginia Woolf, qu'elle essaye d'égaler et même de dépasser, c'est ce qu'elle dit. Donc ce contexte anglais est aussi très important dans l'élaboration de sa poésie. Et puis il faut le dire, lorsque Ariel a paru, donc 2 ans après la mort de Sylvia Plath en 1965, cette déflagration véritablement fut mondiale. Et on peut dire que Sylvia Plath est non seulement la poétesse de l'Amérique, mais une des principales figures poétiques du 20e siècle. Oui. Et c'est ce qui est particulier, entre autres, avec elle, c'est que, vous venez de le dire, mais c'est largement après sa mort, elle meurt à 30 ans, c'est largement après sa mort qu'on va la découvrir. Elle devient une célébrité juste après sa mort, mais très rapidement après sa mort. Quel poids ça a, cette fin tragique? À cet âge-là, elle s'enlève la vie. Quel poids ça a dans la place qu'elle va occuper, dans ce qu'on va faire de Sylvia Plath par la suite? Il est difficile de répondre à cette question dans la mesure où on ne peut pas réécrire l'histoire. Anne Sexton, la poétesse américaine qui était une amie de Sylvia Plath, semblait penser que cette fin tragique et prématurée avait été pour beaucoup dans cette consécration. On peut de ce point de vue comparer le cas de Sylvia Plath à celui d'Arthur Rimbaud en France. D'abord, il faut nuancer un peu. Sylvia Plath était reconnue de son vivant. Elle était publiée d'une part, elle était invitée par la BBC, elle recevait des bourses, donc elle était était déjà pressenti comme une gloire montante de la poésie, mais effectivement, la fin à l'âge de 30 ans, par ce suicide, va avoir un effet de déflagration qui va propulser Sylvia Plath au rang de légende, véritablement. Ouais. Avant de s'attaquer à son œuvre, un petit mot encore sur ce qu'elle représente. Elle est devenue une icône féministe. Pourquoi? On ne peut pas détacher l'œuvre de Sylvia Plath de son contexte. C'est vrai que lorsqu'elle publie à la fois Le Colosse en 1960 ou bien La Cloche de détresse en 1963, puis Ariel en 1965, on est dans le contexte de l'émergence de la parole et de l'engagement féministe. Et la mort prématurée de Sylvia Plath à l'âge de 30 ans, la responsabilité qu'eut son mari Ted Hughes dans cette mort prématurée, qui va devenir même une accusation plus tard lorsque ça nouvelle compagne, la femme pour laquelle il avait quitté Sylvia Plath, va se suicider à son tour, va véritablement transformer Sylvia Plath en icône victime, finalement, non seulement d'un homme, mais d'une société masculine qui assigne aux femmes un certain nombre de rôles et n'est pas prête à leur accorder la liberté à laquelle, justement, Sylvia Plath voulait accéder. Mais je crois qu'il faut être là-dessus assez nuancé. Je comparerais le cas de Sylvia Plath à celui de Doris Lessing qui publie dans la même période, donc Le Carnet d'or. Elles vont être revendiquées l'une et l'autre comme des icônes féministes, mais en réalité, lorsqu'on relit leurs œuvres et leurs déclarations, on voit qu'elles ne remettent pas dans leur vie complètement en cause les codes de l'époque. C'est le cas de Sylvia Plath qui a souhaité être mère, qui a souhaité être épouse, pour laquelle la matérialité même domestique est très importante. Et qui est, entre guillemets, relativement heureuse dans cet état. Oui, qui aspire à une forme d'équilibre, mais qui est peut-être effectivement un équilibre impossible ou extrêmement difficile dans la société de son temps. Ouais. De ce point de vue-là, on peut rejoindre les préoccupations et les analyses féministes de son œuvre. Bon, le meilleur point de départ pour parler de la poésie de Sylvia Plath, ça reste encore de revenir à l'enfance et de revenir à un poème en particulier, Daddy. Daddy, I have had to kill you. You died before I had time. Marble heavy, a bag full of God. Ghastly statue with one great toe, big as a Frisco seal. On peut pas lire Daddy comme ça, comme si c'était... C'est quand même un règlement de compte assez terrible, c'est-à-dire c'est à son père qu'elle en veut le plus. Comme si il était parti sans dire au revoir. Alors que ce qui s'est passé en réalité, ça on le sait, c'est dans toutes les biographies. Elles se recoupent toutes là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, Aurélia a voulu protéger ses jeunes enfants de la mort de son mari et de leur père. Donc, Sylvia et Warren n'ont pas assisté aux obsèques de leur père. En fait, ce grand spécialiste des abeilles et des bourdons, qui parlait plusieurs langues et qui était quand même un homme, on va dire, un universitaire brillant, un homme, on pourrait imaginer, intelligent, refusait de voir le médecin parce qu'il avait peur du diagnostic du cancer. Or, il n'avait pas de cancer. Quand il a enfin accepté de voir un médecin, le diabète était tellement avancé que ça s'est devenu de la gangrène. On a dû l'amputer d'une jambe. Et puis il est mort ensuite, des suites de l'opération qu'il n'a pas supportées. Mais il aurait dû vivre, et je crois que Sylvia, en fait, n'a pas supporté ça. Mon père était intelligent, il aurait dû vivre, il nous a lâchés, enfin quelque chose comme ça. I used to pray to recover you. Ach, du, in the German tongue, in the Polish town, scraped flat by the roller of wars, wars, wars. À nouveau, Valérie Rousseau à l'émission Ça rime à quoi en 2017, et puis un extrait, bien sûr, de ce poème Daddy récité par Sylvia Plath. Frédéric Maget, que nous dit ce poème-là sur la poésie de Sylvia Plath, sur son enfance aussi? C'est sans doute le poème le plus célèbre de Sylvia Plath. C'est en même temps, je pense, pour ceux qui découvrent son œuvre, le plus déroutant, puisque ce poème, qui est inspiré donc par la figure de son père, Otto Plath, est un acte d'accusation, comme le dit d'ailleurs Valérie Rousseau, puisque le père apparaît comme un noyer monstrueux, à la fois inquiétant, maléfique et prêt à dévorer même sa fille. Elle le dit d'ailleurs dans le poème, hein, il a coupé mon cœur en deux. Et effectivement, la mort prématurée de ce père également, par négligence, Valérie Rousseau dit, il n'aurait pas dû mourir, effectivement. Le fait que Sylvia Plath n'a pas pu assister à l'enterrement, eh bien, le père, la mort du père, va jeter une ombre immense sur toute la vie et toute l'œuvre de Sylvia Plath. C'est comme une malédiction, en réalité, qui va pourchasser Sylvia Plath toute sa vie. Et d'ailleurs, plusieurs analystes, biographes, dont d'ailleurs Ted Hughes lui-même, disent que la fin tragique de Sylvia Plath, cette lutte qu'elle a eue toute sa vie contre ses angoisses, était liée en grande partie à ce décès avec lequel elle n'avait jamais pu composer, donc la mort de son père. Une mort, une absence qui l'empêche de vivre, au fond. Oui, qui l'empêche de vivre, et en même temps, je ne veux pas présenter Sylvia Plath comme une victime. Elle est aussi une héroïne, elle est toujours en lutte, si vous voulez. Il y a ces deux pôles importants chez elle, c'est-à-dire effectivement cette angoisse, la mort du père qui la tire vers le bas d'une certaine façon, et puis cette énergie qu'elle a en elle qui la force à émerger justement et aller vers la lumière, vers la beauté. Et sa poésie naît tout entière de cette dualité, de cette confrontation, de cet antagonisme qui crée justement ces étincelles métaphoriques qu'on trouve dans ces textes. Oui. Elle commence à écrire très très jeune. Elle écrit son premier poème à 8 ans, l'année même où meurt son père. Justement, on y revient. L'écriture, quelle place ça occupe pour elle? Qu'est-ce que ça représente dans sa vie? Il faut ici, à mon avis, réactiver la figure de la mère, qui est tout aussi importante que celle du père, hein, Aurélia, qui était une ancienne étudiante d'Autoplace, hein, qui était, donc, comme l'a rappelé Valérie Rousseau, un entomologiste très réputé à l'époque, et qui elle-même se rêvait une carrière d'écrivain. Elle va renoncer à sa carrière d'écrivain pour s'occuper de ses enfants, donc Sylvia Plath et Warren, nés 3 ans plus tard. Et elle va avoir beaucoup d'ambition pour ses enfants. Donc elle va pousser énormément Sylvia Plath, qui va faire sienne cette ambition. Elle, c'est une fille brillante qui s'intéresse à tout, au dessin. Il y a de magnifiques dessins de Sylvia Plath qui existent, qui ont été réédités, à la musique, c'est une très bonne pianiste, et bien sûr aux études. Son parcours scolaire, universitaire est ponctué, hein, de récompenses, de prix qui vont l'amener jusqu'au Smith College et à devenir véritablement un petit génie d'une certaine façon. Et l'écriture va très vite prendre une place de premier rang, d'où très tôt cette ambition, je l'ai dit tout à l'heure, d'être cette poétesse de l'Amérique. Elle se voit véritablement un destin poétique. Mmh. Et puis, incarne aussi, puis ça nous amène à sa rencontre avec Ted Hughes, incarne aussi la belle américaine, la blonde, l'Amérique, quoi. Elle incarne l'image de l'Amérique sur papier glacé, quasiment. D'ailleurs, on le sait, elle a fait des photos pour des magazines de mode où elle apparaît en maillot de bain. Elle était très grande, elle mesurait 1m75. Et quand elle est arrivée, donc après ses études aux États-Unis, elle a obtenu une bourse Fulbright pour venir étudier en Angleterre, donc à Cambridge. Et on la remarque. Elle est grande, elle est énergique, elle a tout de l'américaine, c'est-à-dire elle ne rentre pas dans les cases, elle est très énergique, elle est très dragueuse, très séductrice. Hein. D'ailleurs, elle ne cache pas son goût pour les plaisirs physiques, que ce soit d'ailleurs sportif ou sensuel, bien sûr. Et on la remarque, elle incarne ça aux yeux de Ted Hughes quand elle arrive. D'ailleurs, quand ils se rencontrent l'un l'autre le 25 février 1956, c'est un véritable choc, un choc entre deux mondes, d'une certaine façon, et en même temps la rencontre de deux formidables ambitions. Ils sont tous les deux très jeunes, ils sont tous les deux très beaux, ils sont tous les deux très doués, et l'union, le pacte presque littéraire, j'ai envie de dire, qu'ils nouent à ce moment-là, est vraiment la volonté d'arriver l'un et l'autre, et l'un par l'autre, à une forme de consécration et de génie littéraire. Et ça va faire partie de ce que sera le couple dans la vie privée, mais de ce que sera le couple dans la vie publique aussi, parce qu'ils seront médiatisés, et c'est ça qu'on va présenter, cette espèce de couple, de poètes. On les écoute justement, tous les deux, Sylvia Plath et Ted Hughes, à la radio de la BBC, en 1961. I think superficially, we're very alike. We like the same things. We live at the same tempo. Grosso modo, nous nous ressemblons beaucoup. Nous aimons les mêmes choses et nous vivons au même rythme dans presque tout, ce qui est plutôt bien pour des tempéraments extrêmement différents. Covering for temperaments that are extremely different. Vous ne voudriez pas avoir l'impression que votre vie conjugale se résume à réfléchir à des poèmes et à vous en faire la lecture mutuellement. Je pense que notre vie domestique est pratiquement indiscernable pour tous ceux qui vivent autour de nous. La principale différence, c'est que Ted ne part pas pour le bureau de 9 à 5, mais se retire plutôt dans sa chambre vers 9 heures pour travailler. J'ai certainement une vie qui ressemble à celle des autres femmes au foyer et mères dans notre quartier. Les courses, la vaisselle, prendre soin du bébé et ainsi de suite. alors que je pense que beaucoup de gens s'imaginent que je fais tout, sauf des tâches ménagères. Si en 4 ans, vous avez écrit environ 80 poèmes, ce n'est vraiment pas beaucoup. On n'écrit pas des poèmes constamment. On peut passer des mois sans rien écrire. Alors, la plupart du temps, notre vie ressemble davantage à celle de la majorité des gens. Pour écrire, avez-vous besoin d'être séparés l'un de l'autre? Je peux aisément écrire s'il y a d'autres personnes dans la même pièce. Oui, Ted est meilleur que moi là-dessus. J'ai vraiment besoin d'être seule, sinon je suis trop tentée de parler. Je suis plus facile à distraire. Alors, les choses vont très, très vite, Frédéric Maget, entre Sylvia et Ted. Vous le disiez, ils se rencontrent en février 56, ils se marient en juin 56, et puis vraiment, ils sont un couple qui compte, en fait, dans cette société. Bon, ils vont vivre en partie aux États-Unis, en partie en Angleterre, mais que dire de cette relation-là? C'est une relation fascinante et qui continue à fasciner, c'est certain. Bon, d'abord, quand au début de leur relation, on les remarque, je l'ai dit, ils sont tous les deux très grands, très beaux. Quand ils passent quelque part l'un au bras de l'autre, on ne peut pas s'empêcher de les remarquer. Et puis d'autant que très rapidement, on prend conscience de leur ambition littéraire et poétique. Et c'est vraiment un couple de créateurs comme il existe peu. C'est-à-dire, c'est vraiment deux personnes qui sont dans l'échange et dans le partage. Ils veulent réussir l'un avec l'autre et l'un par l'autre. On le sait, Ted Hughes va donner des conseils, même des exercices d'écriture à Sylvia Plath. Sylvia Plath le dit dans cette même, d'ailleurs, interview qu'on a entendue, qu'elle va l'aider à libérer, elle va aider Ted Hughes à se libérer d'une forme de carcan aussi de la société anglaise. Et leur vie, en tout cas, dans les premières années, est une vie entièrement consacrée à la poésie. Et véritablement, l'œuvre, le style de Sylvia Plath vont se forger pendant ces années-là. Mais évidemment, très rapidement, comme souvent dans ces couples-là, un décalage va apparaître. Elle le sous-entend, hein, d'ailleurs, Sylvia Plath, dans cette interview. Ils vont avoir des enfants, une fille, puis un fils. Très vite, la part domestique va prendre beaucoup de place dans leur vie. Donc, elle doit s'organiser. Elle écrit le matin très tôt, avant que les enfants se lèvent, tandis que Ted, lui, écrit plutôt le soir. Et la reconnaissance arrive un peu plus vite pour Ted Hughes que pour Sylvia Plath. Et elle se trouve un peu cantonnée à un moment donné dans le rôle de l'épouse au service finalement de son mari. Elle est très douée en dactylographie, donc c'est elle qui saisit tous les poèmes. Donc il y a un décalage qui se crée assez rapidement, qui va créer une atmosphère de tension. On le sait, le couple avait de fréquentes crises violentes, hein, dont tous les contemporains, les amis, ont été témoins, et qui va trouver son acmé à l'été 62, lorsque Sylvia Plath va apprendre l'infidélité de Ted avec Asia Weyville, une jeune femme qui était une amie du couple, et qu'elle va chasser Ted Hughes et se retrouver seule donc, avec ses deux enfants pendant l'automne 62. Et c'est après cette rupture que vraiment va se produire cette période d'écriture frénétique presque. Elle écrira, justement pour entrer un peu plus profondément encore dans l'œuvre de Sylvia Plath. On écoute la comédienne Pascale Monpetit lire un extrait de la nouvelle America, America à l'émission Le Temps perdu en 1997. America, America. Je suis allée à l'école publique. Vraiment publique, tout le monde y allait. Le vif, le timide, le rond, le dégingandé, le futur électronicien, le futur flic qui, une nuit, tabasserait à mort un diabétique qu'il aurait pris pour un ivrogne qui avait bien besoin d'une bonne trempe. Les pauvres qui pullent à laine humide, le bébé pisseux et le ragoût. Et les plus riches, avec leurs cols de fourrure miteux, leurs opales en guise de porte-bonheur, et leurs papas qui ont des voitures. Il fait quoi ton papa à toi? Il travaille pas, il est conducteur de bus. Rire. C'était ça, l'éducation que l'on nous dispensait gratis, à nous tous. Belle tranche de la population américaine en dépression. C'est donc entre octobre 1962 et février 1963. C'est assez incroyable, c'est une période assez courte. C'est dans cette période, donc, que Sylvia Plath écrit le plus gros de son œuvre. Comment décrire cette œuvre, Frédéric Maget? Parlez-nous de son style, parlez-nous de sa langue, parlez-nous de son univers. Effectivement, elle écrit dans une forme de transe poétique pendant quelques semaines. Tous les poèmes qui vont donc composer Ariel, donc publié 2 ans après sa mort, qui va vraiment marquer la reconnaissance de Sylvia Plath dans le monde entier. L'œuvre de Sylvia Plath se rapproche, je voudrais reprendre ce parallèle, à celle d'Arthur Rimbaud par à la fois sa virtuosité et son inventivité, aussi bien en matière de rythme qu'en matière d'images qui sont extrêmement fulgurantes. Et en même temps, tout cela dans un cadre qui est très autobiographique, très quotidien, et qui crée ce fameux contraste, cette friction, ces étincelles dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment une poésie qui ne peut pas vous laisser indifférent, j'ai envie de dire décoiffante. Quand on lit Sylvia Plath, on est vraiment attrapé aux tripes, et c'est d'une beauté fulgurante. Très sonore, très musicale. Elle joue avec les sonorités des mots énormément. Elle joue beaucoup avec les sons, avec les images, avec les couleurs, avec des figures mythiques. C'est vraiment un univers extrêmement fascinant. Et c'est dommage, je reprends ce qu'a dit Valérie Rousseau tout au début de l'émission, qu'aujourd'hui, on s'intéresse principalement à la relation qu'elle eut avec Ted Hughes, ouais, et à ce roman d'amour malheureux. Et on ne dit pas à quel point, pas suffisamment sans doute, à quel point elle est d'abord, avant tout, une formidable, une extraordinaire poète. Elle décide de mettre fin à ses jours dans la nuit du 10 au 11 février 1963. Qu'est-ce qui la pousse au suicide? Je crois que c'est impossible de répondre à cette question. C'est sans doute un ensemble de faits. D'abord, les angoisses nées de la mort de ce père qui reviennent à la charge. On le sait, elle est identifiée par son médecin comme dépressive à ce moment-là, soignée. Elle avait prévu d'entreprendre une nouvelle thérapie d'ailleurs. Il y a évidemment la charge matérielle qui pèse sur elle. Elle est une femme divorcée avec 2 enfants, sans beaucoup d'argent. L'hiver en Angleterre est un des plus froids depuis 150 ans. Elle n'a pas de téléphone, elle est vraiment seule. Elle a été épuisée par cette période créatrice dont j'ai parlé tout à l'heure. Et tout cela fait que donc, dans la nuit du 10 au 11 février 1963, elle va donc se suicider en protégeant ses enfants qu'elle avait calfeutrés dans leur chambre, en ouvrant justement la fenêtre avec un petit verre de lait posé sur leur table de chevet, tandis qu'elle s'enfermait dans la cuisine pour se tuer, malheureusement. Frédéric Maget, professeur de lettres modernes, président de la Société des Amis de Colette, c'était un bonheur de vous recevoir. Merci infiniment. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Ariane Cipriani, recherche d'archives Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.